ça ne va pas fort aujourd'hui, dites-vous que vous auriez pu être Claude Simon et avoir le prix Nobel de littérature. Oui, Claude Simon a eu le prix Nobel en 1985. C'était le premier Français après Sartre. Non dépourvu d'humour, Claude Simon expliqua que l'annonce de son prix ressemblait à une catastrophe nationale pour la France, je le cite, puisqu'elle allait obliger les journalistes à courir fébrilement à la recherche de renseignements sur cet auteur. Et quand les journalistes découvrirent ses romans, certains furent perplexes, la plume de Claude Simon n'étant pas des plus faciles. En voici d'ailleurs un extrait. Et à un moment, dans un brusque froissement d'air aussitôt figé, de sorte qu'il fut là, les ailes déjà repliées, parfaitement immobile, sans qu'il l'ait vu arriver, comme s'il avait non pas volé jusqu'au balcon, mais était subitement apparu. J'arrête là la lecture du début du premier chapitre de Pallas. J'arrête là, puisque la première phrase fait 22 lignes. D'où cette idée assez cruelle, tenter d'éditer Claude Simon en 2017 en envoyant 50 pages du roman dont je viens de vous lire un extrait, Pallas. Eh bien, autant le dire, Claude Simon n'aurait pas été publié en 2017 puisque sur les 19 éditeurs qui ont reçu ce roman, 7 n'ont pas répondu, 12 ont refusé. Entre parenthèses, aucun d'entre eux n'a découvert le canular. Un éditeur se donna tout de même la peine de motiver ce refus, expliquant « les phrases sont sans fin, le récit ne permet pas l'élaboration d'une véritable intrigue avec des personnages bien dessinés ». Dans le domaine de la littérature, tout choix est contestable. Je suis le premier à penser qu'ici et là, dans le monde et en France, plusieurs autres écrivains, à l'égard desquels j'éprouve le plus grand respect, eussent pu être désignés. Bon, c'était pas la première fois que ce genre d'expérience était tentée. Avant Claude Simon, une poignée de grands noms de la littérature, morts ou vivants, avaient essuyé des refus de la part de nombreuses maisons d'édition. C'est le cas par exemple de Ronsard ou bien de Lautréamont. L'annonce de ces refus successifs a toujours été diversement commentée. Soustraire un écrivain à son contexte, n'est-ce pas la meilleure manière de le rendre littéralement illisible? Faut-il au contraire y voir le signe de l'inculture crasse de ceux qui président à l'avenir de la littérature? Du coup, la question demeure ouverte. Le refus de publier Claude Simon est-il cruel pour Claude Simon ou bien pour les maisons d'édition qui refusèrent ce prix Nobel de littérature? Quoi qu'il en soit, l'écrivain mort en 2005 n'était plus là en 2017 pour recevoir tous ces refus. Et maintenant, bonne journée puisque vous n'êtes pas Claude Simon.